pas sincère, Anne si la c'est pire. Anne pas sincère, Anne si la c'est pire. Anne pas sincère, Anne si la c'est pire. Anne pas sincère, Anne si la c'est pire. La 80 yo de l'homme, moi, wa, wa, wa, coupé, wa. Yo passe, moi, c'est signe d'apparaître pour ça. Wa, wa, coupé, wa. Moi, c'est grand mon nom. Allons, t'entends, toi, Gilo. Yo passe, moi, c'est signe d'apparaître pour ça. Wa, wa, coupé, wa. Yo passe, moi, c'est signe d'apparaître pour ça. Wa, wa, coupé, wa. Allons, t'entends, tu gao. Bon, tonton, comme ça, oh. Yo, pas de penser, si n'a pas fait comme ça. Yo, pas de penser, si n'a pas fait comme ça. Yo, pas de penser, si n'a pas fait comme ça. Yo pas penser si n'a pas fait comme ça. Allons tonton Chouka. Bon tonton comme ça. Yo pas penser si n'a pas fait comme ça. Yo pas penser si n'a pas fait comme ça. Acceptez-le. Pas vouloir faire des bêtises dans le royaume. Pas vouloir faire des bêtises dans le royaume. Coupez-moi ça. Sec. Coupez-moi ça. Sec. Coupez-moi ça. Sec. Coupez-moi ça. Sec. Coupez-moi ça. Sec. Kémé. Moi, pique pas fait peur. Moi, kémé. Moi, pas fait peur. Kémé. Moi, très pas fait peur. K.O. pas fait peur. Moi, pique pas fait peur. Moi, qu'est-ce pas fait peur? Moi, qu'est-ce pas fait peur? K.O. pas fait peur. Moi, pique pas fait peur. Yo pas penser si n'a pas fait comme ça. Allons tonton Chouka. Bon tonton comme ça. Yo pas penser si n'a pas fait comme ça. Yo pas penser si n'a pas fait comme ça. Allez passer Cyril. Allez si la c'est pire. Allez passer Cyril. Anne si la zépirel, Anne passe Cyril, Anne si la zépirel, Anne passe Cyril.